Questions? Questions. Quelle est la hauteur du grand mône? Faut-il sourire à son patron? Est-ce que les Chinois rient jaune? Est-ce que les huîtres aiment le citron? Y a-t-il des robinets d'eau chaude sur vraiment tous les boat people? Qu'est-ce, qu'est-ce, question sans réponse. Ça se crie comme ça se prononce. Que devient le petit Grégory? À votre avis, y a pénalty? Appréciez-vous l'ail au lit? Aimez-vous la vie? Non? Oui? Qu'est-ce que vous faites sur ma serviette avec ce sandwich Henriette? Qu'est-ce, qu'est-ce, question sans réponse? Ça se crie comme ça se prononce. Qu'est-ce, qu'est-ce, question sans réponse? Hé hey Pilate, qu'est-ce que t'en penses? Qui a mis un iceberg dans mon verre de whisky? Qui a tapé le bœuf qui m'avait fait le beau? Qui a creusé ma tombe sans m'avoir averti et troué mon igloo avec un chalumeau? Oh oh! Qui a dit que j'avais un très joli derrière? Qui m'a tenu la main pour traverser les clous? Qui a dit aujourd'hui c'est le demain d'hier et qui écoutera ma chanson jusqu'au bout? Qui peut me dire où l'horloge quelque part s'interroge? Qui a mis une bombe sexuelle quelque part, ça interpelle? Les pompes avec mon fox terrier et qui m'a accroché une baleine dans le dos? Qui m'a dit tu chantes faux alors que c'était vrai et qui a dissipé mes brouillards matinaux? Oh, oh. Qui m'a cloué le bec et le reste alouette? Qui a encore une fois piqué mon parachute? Jacasse à gogo et qui cause à Cosette et qui, s'il te plaît, qui est ce Philippe au juste? Qui peut me dire où l'horloge quelque part ça interroge? Qui a mis une bombe sexuelle quelque part ça interpelle? Qui que quoi donc où Y quelque part faut faire avec? Qui riait les sons? Évidemment c'est personne. Le chat qui est tombé du train il y a longtemps déjà, quand sous ce ciel si bas mon canard s'est pendu, qui a tendu les bras, qui l'a mangé tout cru? À part moi. Qui? Eh oui, qui? Qui a mis